De coïncidence avec le monde et l'objectif de la communauté, j'appelle ça la recherche du meilleur. La maladie, c'était un petit incident qui avertissait qu'il y avait un peu tout dans le garde, qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus très bien et qu'il fallait réparer. Aujourd'hui, l'homme a quitté la terre mère, il s'est lancé dans l'aventure de la conscience. Nous sommes entrés dans une période de la solidarité et la lutte contre le pire, de la solidarité devenu plus important que la communauté. Alors bien sûr, dans cette aventure où l'homme prend une distance avec le monde, pour gagner la conscience, il est naturel que le corps souffre, puisqu'on perturbe la coïncidence d'autrefois. Bien sûr, ce n'est pas bon de tomber malade, ça n'est jamais bon de souffler, mais je crois que cela a changé de sens et que quelque part, ça fait partie du voyage.